Nous sommes le 24 de Verdée 1131. Le 24 de la deuxième lune Verdée 1131. Il fait encore nuit. Le soleil commence à peine à montrer ses premiers rayons. Esther, tu es réveillée délicatement par Sophia. Elle te sort littéralement du lit. Ses affaires, faibles en nombre, sont prêtes. Après un dernier instant d'intimité partagée à deux, elle va chercher les autres membres du groupe présents en QG. Tous n'ont pas dormi ici, mais le jour venu étant connu, certains ont dû se faire violence ce matin pour rejoindre le QG à l'aube. Quoi qu'il en soit, la finalité est là. Vous êtes tous les quatre présents, le soleil colore petit à petit les briques de votre quartier. Sophia vous rejoint à l'extérieur, ses affaires en main. Le silence règne malgré vous, mais il s'agit là d'un des plus beaux silences. Celui dont un grand homme dirait qu'il correspond à la plus belle des amitiés. Celle où le silence n'est plus gênant. Vous traversez ainsi la ville jusqu'à l'une des grandes portes. Comme prévu, la porte sud, celle qui mène à une première trame, ces énormes trames de pierre sur lesquelles les piétons ont droit de marcher, contrairement à la seconde trame qui est de fer. La trame sud était celle qui l'intéressait, parce que elle permet de partir sur trois directions possibles, soit Lucé en Pantapoli, Monténégro en Istanie des monts dinariques, soit Iskandra de la même nation. Et chacune de ces directions permet de partir un peu partout dans le reste de la toile. Et en vue des discussions récentes avec Sophia, Esther, tu devines facilement son trajet. Tu sais que son but est de rejoindre Gloriana. Elle va sûrement faire un détour par la Pantapoli en passant par Lucé. Mais elle t'a elle-même confié que si elle connaissait sa destination, elle se laisserait porter principalement par ses pas sur les trames et qu'elle mènerait autant de détours que nécessaire. Quoi qu'il en soit, vous atteignez la grande porte. Le regard de Sophia est palpitant. Ils expriment une vitalité que vous n'avez, pour la plupart, jamais suspectée de sa part. Esther, toi qui es confidente de Sophia, tu es même émue de la voir avec une telle puissance intérieure. Pour sûr, ce départ est sûrement une des meilleures choses qu'elle aurait pu vivre. Après quelques échanges de regards, un acquiescement commun, vous la voyez se diriger vers l'un des gendarmes qui garde la porte. Vous le savez, elle aussi. Mais ils sont bien plus sévères avec ceux qui veulent entrer dans la ville que ceux qui veulent en sortir. Ils demandent par politesse le nom. Alors certes, toute cette histoire de plaque peut faire un peu ridicule face à la facilité qui est de sortir. Mais cela serait oublié, ce qui gênait Sophia était bel et bien son nom de famille. Il y avait un risque qu'on la reconnaisse, un risque que son père soit mis au courant. Et son rêve de s'enfuir serait à jamais réduit au néant. Excusez-moi. Alors aujourd'hui, avec ces plaques, avec ce léger déguisement que vous lui avez confié, un déguisement, quelque chose de très sommaire, encore plus sommaire que lors de votre dernière nuit ensemble avec Esther, mais avec ces plaques et du coup ce léger déguisement, aujourd'hui meurt Sophia Benedetti. Car aujourd'hui, à partir du moment où elle se retourne, les larmes aux yeux, embrasse une dernière fois Esther, remercie chacun d'entre vous et repart en direction de l'énorme porte de taille inhumaine. C'est effectivement là que meurt Sophia Benedetti et naît Cassandra Kisala. Nous sommes toujours le 24 de Verdée 1131. Il vous reste 15 jours pour répondre au défi d'Il Procedimento. Trouver qui sera sa prochaine victime. En voilà un bien beau défi. Ce n'est pas comme si Venise était surpeuplée. Quoi qu'il en soit, vous allez devoir la trouver. La trouver avant le 3 Verdée 1131. Et si vous le faites, vous aurez un réel avantage. Vous sauverez un innocent, Et vous pourrez même prendre de l'avance pour une fois sur Il Procedimento. Quoi qu'il en soit, vous êtes de retour au QG. Il est quelque chose comme presque 10 heures. Vous venez de manger. Que décidez-vous de faire? J'avoue que l'ambiance est assez morose. Même si on n'a pas beaucoup parlé avec Sophia, elle a passé du temps un peu avec nous. Et même si Esther dit rien, on devine quand même que elle s'était attachée à elle. On n'est pas aveugle. Moi, je vais essayer de réfléchir un peu à tout ce qui vient de se passer. Faire un peu le point sur ce qu'on sait, ce qu'on a comme information. Et puis voir avec les autres, notamment Kornilov. Sa version, essayer de confronter les nôtres, enfin la sienne et la mienne, pour voir. J'ai cru comprendre qu'il n'était pas vraiment d'accord avec avec ma vision du truc, et donc ce serait important d'essayer de mettre tout ça à plat pour que on puisse avoir une piste, parce que là ça devient urgent. Du coup, je viens de voir quand il est. Si t'es là, bien sûr, je sais pas. Voilà, mais du coup, je viens te voir. Dis-moi, Kornilov, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? J'ai cru comprendre que t'étais pas tout à fait d'accord avec mon approche, mon angle de vue sur l'affaire. Qu'est-ce qui te fait dire que ce serait une fausse route si on partait vers un militaire? Bah écoute, pour être complètement honnête, je pense que du début à la fin, c'est que des conneries, ta piste. Tout le monde peut s'acheter un uniforme qui ressemblerait à ça et recoudre trois morceaux de tissu par-dessus. Mais le plus important, c'est que... On a... C'est pas l'identité du monsieur en question qui est urgente à trouver pour le moment. C'est de la personne qui va essayer de tuer. Alors, si tu veux me donner de l'importance à l'identité... C'est pas faux. ...du tueur, tu peux. Ça nous sera peut-être utile à l'avenir, mais c'est pas le plus intéressant pour le moment. Ouais, non, c'est sûr. Et alors, du coup, dans cette optique-là... Vers où tu penses qu'on devrait, aller? J'ai pas de meilleure piste que la dernière fois. Je pense toujours qu'il faut réussir à établir un portrait clair des victimes qui fait le plus souvent. On sait déjà plus ou moins que ça va tomber à la même date qu'un certain événement du concert des photographes. Donc c'est assez... Ça peut nous aider, mais... Combien de personnes vont y être? Qui va y être? C'est une autre question. Et qu'est-ce que tu penses de... du fait qu'on dépose des bougies fondues chez nos proches? Tu penses que c'est pour nous embrouiller l'esprit? Pour qu'on se focus sur peut-être nos familles et qu'on ne fasse pas trop attention à la possible victime? Je pense et j'espère que c'est en effet surtout pour nous mettre la pression. Parce que mis à part s'il sort de son pattern habituel, d'après moi, aucun de nos proches ne semble correspondre à ce qu'on sait déjà des victimes qu'il a eues. Et il y a un point important... je ne sais pas si vous en souvenez, mais moi j'aimerais bien qu'on s'en souvienne. C'est que jusqu'à présent, a priori en tout cas, d'après les plaques qu'on avait des anciens métropolites qui ont travaillé sur l'affaire, c'est que toutes les anciennes victimes se connaissaient. Pour l'instant, on ne sait pas comment notre victime à nous, donc Fotus, connaissait les autres. On n'en sait rien, si c'était le cas ou pas. Donc on ne sait pas si la prochaine les connaissait aussi ou pas. Mais je pense que c'est intéressant de garder à l'esprit. Ouais. Et toi, Hugo, t'en penses quoi de tout ça? Ça fait ni chaud ni froid, tu parles pas, tu t'en fous, tu te sens pas concerné peut-être? Oui, pardon, tu m'as parlé, Victor? Non, je Ah, te demandais, excuse-moi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? je crois avoir abusé de l'absinthe hier. J'ai un peu l'esprit embrouillé. Eh bien, pas grand-chose de plus. Ok. Et toi, Esther? J'avoue que il me faudra sans doute un moment pour retourner dans l'enquête. J'ai pas vraiment la tête à ça là tout de suite maintenant, mais vous pouvez compter sur moi. Vous en faites Je suis assez d'accord avec Je Kornilov. Je comprends. pense qu'il faudrait pas trop vite penser avoir découvert l'origine de notre coupable, sachant que la capacité que possède Il Procedimento à, comment dire, se faufiler, disparaître, parfois de manière dont que l'on ne comprend toujours pas. Je pense pas qu'il serait suffisamment stupide. Enfin, je pense qu'il est peu probable qu'on puisse l'avoir sur une erreur aussi conne que d'avoir utilisé son uniforme militaire comme déguisement, on va dire, de meurtre. Mais après, peut-être que c'est suffisamment évident pour qu'au contraire, il l'ait gardé. J'en sais trop rien. Mais gardons-le en tête, il faut juste pas perdre nos objectifs de vue. Bon. Si jamais plus tard, ce sont certains éléments reviennent et nous font pas penser à cet écho, à cet écho-là, on pourra peut-être s'y attarder plus longtemps en attendant qu'on le capture en découvrant ce qu'il a prévu de faire et en tentant de lui tendre un piège, un peu de l'avoir à son propre jeu. Même si, à mon avis, le fait qu'il nous ait laissé un mot prouve qu'il, enfin, le fait qu'il nous ait laissé un mot induit sans doute qu'il a plusieurs coups d'avance. Je pense pas qu'ils se mettent à ce point-là en danger, juste pour par amour de je ne sais quoi. Ok. Alors, Kornilov, qu'est-ce qu'on fait? Bah oui, je comprends bien que la piste que j'avais, on va la mettre de côté. Et on va partir sur autre Eh chose. bien. Je me fie à ta déduction plutôt claire. Eh bien, je pense que, mis à part la piste que j'avais déjà lancée sur le fait de réinterroger les gens de base, qu'on avait déjà vu, il nous reste toujours à aller voir le concern des photographes et se renseigner sur leur événement, voir s'ils ont des listes d'invités, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, des personnes importantes qui savent déjà qu'ils viennent, vu qu'a priori, notre ami s'attaque à des personnes importantes, au moins diplomatiquement. Ok. Eh bien, faisons ça. Eh bien, je vous pose la question concrètement. Votre prochaine étape, quelle est-elle? Eh bien, on va galérer à trouver où elle concerne les photographes. Très bien. Est-ce que vous avez une idée de comment y accéder ou est-ce que vous... Eh bien, moi j'ai une idée. Je vous propose d'aller voir Je... Milo. Je... C'est Oui. vrai. Oui, c'est ce que j'allais proposer aussi. Ok. Eh bien, C'est tout à si fait tout le monde est ça. d'accord, vous allez du coup quitter votre QG. Allons-y. Laissez-moi le temps d'enfiler mon manteau brun mordoré et j'arrive. Savez-vous que c'était ma couleur préférée? Vous sortez. Possible. Et vous vous dirigez du coup vers le quartier où se situe Milo. Quartier d'ailleurs où vit aussi Cornilo lorsqu'il dort pas au QG. Ouais. Là où vit son mari. Bref, un quartier très sympathique. Vous savez que c'est en plus un des quartiers principaux de la ville, géré par une doge, géré par une loge. Le doge, c'est le maître de la loge pendant quelques années, je crois 4 ans, si je dis pas de bêtises, qui dirige la ville. Donc, autrement dit, tout se passe... c'est un quartier très agréable. Vous vous y rendez, à votre habitude, et vous savez directement où se situe l'atelier, parce que vous êtes déjà rendu là-bas la première fois. Vous décidez de vous y rendre. Est-ce que déjà, question habituelle, est-ce que vous êtes en uniforme ou pas? Je pense que oui. De toute manière, on avait prévu d'aller voir les photographes pour poser des questions officielles, donc... Alors, vous allez toquer à sa petite porte. Je vais demander à... Ça tombe sur Cornilov. Quels sont, à l'heure actuelle, tes émotions, ton fort intérieur, ton émoi? Dis-moi tout. Eh bien, je suis profondément tendu, je dirais, parce que, par le revirement des adeptes de la théorie de l'uniforme, me met maintenant à la tête des recherches. Ce qui fait que je me sens soudainement mille fois plus responsable que la session, que la dernière fois, qu'il y a 2 jours donc. Et donc voilà, je suis profondément tendu et j'espère qu'on va rapidement trouver une solution parce que je sens que ça va me peser longtemps dessus si ça se termine par un échec. Très intéressant. Je te remercie de t'être livré. Vous ouvrez, vous toquez et la porte s'ouvre. Vous voyez là le même petit homme qui vous regarde. Bonjour, vous faites déjà la première introspection. Vous voyez que quand il dit ça, il se recule immédiatement pour vous faire rentrer. Bonjour, Milo. Nous sommes venus pour une toute autre raison. Bonjour. Ne t'inquiète pas. Ah, d'accord. Enfin, après, mon atelier est là, si vous voulez. Je peux faire quelque chose pour vous. Nous avons des petites questions sur... sur les photographes. Nous voudrions que vous nous indiquiez... l'emplacement du concert de la photographie et peut-être si vous auriez une ou deux recommandations pour savoir à qui nous y adresser. Pouvez-vous nous informer. Nous cherchons à en savoir plus sur la fête du concert de la photographie qui approche à grands pas. Oui. Je voudrais ne pas être en très bon terme avec le concerne, pas la même vision de la chose, mais je peux vous aider. Quant à la fête, je ne sais pas de quoi vous voulez discuter précisément. Vous savez que toute la ville y est concernée. Quels sont les rendez-vous majeurs de cette fête? Oui, 3-4 gros événements chaque année. Vous savez, je ne sais pas si vous y étiez l'an dernier, mais... Et d'ailleurs, si vous voulez savoir, ça va être... je m'autorise cette petite parenthèse, mais vous n'y étiez. Vous n'avez pas profité des éditions des dernières années, parce que vous étiez en études pour devenir métropolite. Malheureusement... Les moments de pause étaient rarement pendant des moments de fête, etc. Vous en profitez plutôt pour potasser vos études. Bref, il reprend. Oui, du coup, toute la ville est concernée. Il y a des stands absolument partout. Il y a des photographes à peu près à chaque quartier. C'est merveilleux. Et oui, il y a 4-5 points importants. Il y a 2 petits salons qui sont tenus. qui servent à exposer les artistes principaux de la ville. Il y a un discours, ça ne dure pas toute la journée, mais après il y a... Enfin, c'est un peu une scène principale, si vous préférez, qui se déroule. Elle se déroule au... Ah, j'oublie toujours ce nom de... Vous savez, c'est un lieu qui sert de jonction entre plusieurs endroits de... Méandre. Voilà, à Méandre, c'est là où on place principalement la... Si vous préférez, la scène principale. Hein. Donc, c'est là qu'il y a le discours officiel qui est fait par le baron de la photographie. C'est là qu'il y a le... après les plus gros spectacles, des trucs comme ça, même des choses qui ont pas rapport avec la photographie, mais c'est, oui, je pense, c'est le point d'intérêt le plus central où les gens vont vraiment, et après c'est un peu dilué dans toute la ville. Donc le moment majeur de cette fête, oui, est parce le, que c'est le l'ouverture discours du baron, les et gens, vont voir, parce qu'en plus de ça, il y a l'aspect culturel qui est intéressant, mais aussi l'aspect comment dire, il y a toujours une partie de son discours qui est faite pour donner un peu les comment s'en sort la photographie, comment elle est encore vue sur la toile, ce genre de choses. Et du coup, les gens aiment beaucoup savoir ça. Vous savez, Venise est une île d'art, donc beaucoup de gens ont la curiosité de ce qu'est la photographie, de comment elle évolue. Venise, du moins, ses loges et ses concerts militent activement pour que la photographie soit reconnue comme art. Ce n'est pas le cas dans les autres villes de la toile, hein, et des autres empires. Donc voilà, c'est le plus important parce que c'est l'ouverture. Mais après, il y a plein d'autres événements. Il y a des mini-salons, il y a des spectacles organisés, il y a des lectures de romans illustrés. Il y a des concours, tout ça. Il y a plein d'activités. Et vous savez si il y a un thème précis ou c'est assez général? C'est l'année dernière, il y avait un thème. Cette année, il n'a pas encore été annoncé. Il sera sûrement annoncé dans les prochains jours. C'était quoi l'année passée? Vous savez? Oui, l'année passée, c'était sur la transparence. Transparence, ok. Je regarde mes camarades, si on a des questions à poser. Visiblement, a priori, ils en ont beaucoup. Pas de quoi réagir aux informations données. Mais du coup, oui, si vous aviez l'emplacement du concert des photographes ou le lieu majeur où on puisse rencontrer, peut-être voir le baron même. Le concert est, à vrai dire, plutôt bien placé, puisque il se situe tout au centre de la ville. Vous savez, au centre-centre, c'est là qu'il y a le bâtiment administratif de Venise, là où se réunissent les loges, les choses ainsi, sur leur petit îlot. Et le concert de la photographie est à... c'est l'îlot le plus proche à l'ouest, Oui, c'est ça, à l'ouest. Ok. Donc, et honnêtement, c'est un des plus gros bâtiments qui les entoure. Vous ne pouvez pas le rater. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Je re-regarde mes camarades. Mais moi, je pense pas avoir d'autres questions à poser. C'est probable, Esther. T'as prévu d'y aller, toi? Milo? Oui, bah en même temps, on est quasiment tous conviés. C'est une fête vraiment qui pour toute la ville. Hein. Donc, oui, j'ai mis balader. Je vois. J'ai pas de questions particulières en plus. Vous semblez perplexe vis-à-vis de cette fête. Il se passe quelque chose? Rien de particulier. On travaille seulement sur une affaire et a priori, quelqu'un va profiter de l'événement pour faire telle ou telle chose. D'accord, je vois. Bien bon courage. Si vous avez besoin d'aide, Alors, en tout cas, si jamais vous entendez des choses qui pourraient être intéressantes, des nouveautés, peut-être des choses inhabituelles par rapport à cette fête, voilà, n'hésitez pas à nous contacter ou nous faire parvenir un message, je sais pas, quelque chose de qui sort de l'ordinaire sur une fête dans ce genre-là. Voilà, bah, c'est très bien. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Vous avez totalement cerné là. je vous tiendrai au courant. D'accord, c'est gentil. Sinon, ça va de votre côté. Vous n'avez toujours pas. Comment dire. Été pris d'envie de reconstruire quelque chose qui vous obligerait à revenir. Bien sûr que non, enfin, je vous l'ai dit, enfin, vous pouvez vérifier. Et bien sûr, pour nous le montrer, vous allez nous montrer vous-même votre atelier. Bah, on est juste... vous êtes dans l'entrée de celle-ci, je vous laisse vous y balader à votre convenance. Non, moi je fais un sourire et je sais pas la peine. Je vais quand même prendre soin d'exécuter une petite... Inspection. Ouais. Pendant ce temps-là, moi, j'aurais quelques questions à vous poser. Et, par simple curiosité, sur quelques éléments de construction de votre appareil. Juste me rappeler de 2-3 trucs. Oui, la construction. Et là, je commence à lui parler de 2-3 détails un peu techniques. Bon, ça ne m'avance à rien. Hein, juste ça comme ça, mais l'emboîtement de telle pièce par rapport à telle pièce, vous l'aviez fait de manière particulière, il me semble. Ah oui, tout à fait. oui, tout à fait. Je me souviens avoir mis telle pièce vraiment de telle manière que. Hein, parce que bon, il faut bien que. Bon, pour simplifier, du coup, j'ai été obligé d'être pas très subtil, j'imagine que j'essaie de l'être un peu plus quand même, mais. Oui. Bon, j'y connais rien en matériel de caméra, donc je pouvais pas poser ça de manière crédible et subtile. On comprend l'intention. Quoi qu'il en soit, de ton côté, Hugo, bon, toi, Esther, bien entendu, il répond à tes questions, et de ton côté, Hugo, tu fais le tour et il n'y a rien de particulier. Il y a les mêmes appareils qu'avant, c'est-à-dire les appareils photographiques, hein, évidemment. Mais voilà, rien qui semble sortir de l'ordinaire. Et aucune arme interdite non plus, ni d'arme qui n'existe pas. Voilà, donc tu sais qu'au moins, il ne mentait pas. Je coupe court à cette conversation, parce qu'elle ne vous apportera rien de plus que les informations que vous avez déjà soutirées, et je note que Esther... je note du coup qu'Esther a posé quelques questions subtiles. Ça servira pour le prochain jeu. Très bon réflexe. Quoi qu'il en soit, vous sortez de là avec du coup plusieurs réponses en tête. Hein. Déjà, vous voyez un peu plus en quoi consiste cette fête. Et vous savez maintenant où se situe le concern de la photographie. Est-ce que vous souhaitez vous y rendre tout de suite ou est-ce que vous avez quelque chose à faire avant ? Vous pouvez très bien me dire que vous voulez faire totalement autre chose. C'est bon. Ok. Mais pendant le trajet, je vais en profiter, puisque nous sommes dans une session remplie de questions, et pour laisser aux joueurs la possibilité de poser des questions, bah, les dés ont parlé, je vais demander à Esther de me parler de tes sentiments, de ton fort intérieur, de tes émois, dis-moi tout. Il y a un peu une sensation de vide, mais en même temps, pas tant que ça, comme si Esther avait encore, enfin, comme si j'avais encore un peu du mal à réaliser. On va dire qu'en rentrant ce soir du boulot, les choses seraient pas pareilles qu'avant. Mine de rien, avec le temps, on avait commencé à s'habituer à cette petite routine qui s'était installée. Mmh. Et du coup, malgré tout, de l'autre côté, Esther se rend compte que avant, elle avait comme un peu en permanence. Son esprit qui se focalisait sur la sécurité que pouvait représenter le QG Indico, est-ce que les La serrure à code était suffisamment voilà, poussée, etc. Est-ce qu'il n'y avait pas des failles dans le système? Et là, petit à petit, elle réalise quand même que son esprit peut de nouveau se focaliser de plus en plus sur l'enquête en cours. Donc, c'est actuellement encore une période, on va dire, un petit peu transitoire. Juste vraiment le temps de réaliser que bah, les choses ont changé et que du coup, il va juste falloir se remettre à fond dans l'enquête, quoi. Très bien, merci de vous être confié à nous. Vous arrivez au Concern. Vous faites face du coup à cet immense bâtiment, une bâtisse qui, contrairement à la comment dire, la loge des antiquaires, hein, c'est une bâtisse qui n'est pas du tout longue, hein, à vrai dire. Vous en faites assez rapidement le tour. Bon, c'est quand même un certain bâtiment, mais il n'est pas du tout très épais. Par contre, il est énormément haut. C'est une bâtisse, c'est vraiment une tour pour le coup. Une tour, une énorme tour qui s'élève dans le ciel. Vous décidez, je suppose, de rentrer dedans, monsieur. Ce que vous cherchez a l'air d'être à l'intérieur. Vous avez le droit de me dire non à tout instant. Et de toute façon, maintenant, c'est moi qui vous pose la question. Une fois dedans, bah, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous parlez à quelqu'un de particulier? Etc. Etc. Non, ben, je sais pas, j'imagine qu'on va aller voir la première personne qu'on croit. Je sais pas s'ils ont un accueil ou quoi que ce soit. Non, ça n'a pas l'air d'être le genre de la maison. Vous sentez que c'est un bâtiment où en fait les gens qui rentrent sont les gens qui travaillent pour le concern, quoi. Bah du coup, je vais voir une personne au pif. Bonjour, nous sommes, comme vous pouvez le constater, des métropolites et nous sommes en train d'enquêter sur une affaire. Nous aimerions, si possible, parler à des responsables, préférence, des gens qui savent. Oui. Non, je te laisse. Tu vois que tu es tombé sur une femme plutôt la quarantaine, une coupe au gré, et un visage très sévère. Tu vois, et quand tu lui parles, tu sens que dans son comportement, en tout cas, elle a l'air de te prendre un peu d'eau. Hein, c'est ok. À la caisse, à te dire. Je vois, vous venez en tant pour le ministère. C'est ça, pour le ministère. Je vois. Eh bien, soit, savez-vous à quelle branche voulez-vous parler? Ou une idée? À qui serait cette Peut-être requête? des responsables chargés de l'organisation de la fête du festival de la des photographes? Soit, suivez-moi. Merci. Oui, qu'elle commence en fait à prendre les escaliers. Les escaliers sont très fins d'ailleurs, hein. Vous pouvez pas être à deux côte à côte, vous êtes obligé d'être avec eux. C'est un peu logique vu que le bâtiment est pas très épais. Bah, du coup, les escaliers sont très minces pour pouvoir parcourir absolument tout le bâtiment. Arrivée après quand même pas mal de minutes de montée d'escalier, que vous avez pour le coup dû les monter un peu à bout de souffle, hein, parce que au bout d'un moment à monter, ça prend. Remarquez d'ailleurs que par contre la femme, elle n'est pas fatiguée, il semblerait qu'elle soit plus ou moins habituée à monter ainsi autant de marches. Quoi qu'il en soit, elle vous ouvre une petite porte au bout de son chemin et vous dit le baronnet Clint est ici, si vous le souhaitez. Eh bien, c'est parfait, merci beaucoup. Du coup, vous pouvez disposer. Tu vois que quand elle entend cette petite phrase, elle a un petit. En montant la tête et redescend en bas. Je suis bien content. Bah, du coup, on se dirige vers la porte, a priori, et puis on frappe si c'est pas déjà ouvert. Eh bien, vous sentez une assez grosse voix. Entrez ! J'ouvre la porte. Allez. Vous tombez sur un homme... comment vous le décrire ? Avec une énorme carrure, à vrai dire. Il a, vous sentez, beaucoup de muscles. Les cheveux mi-longs qui lui tombent dans la nuque, une mâchoire en fait très carrée, hein, pour le coup, ça le caractérise plutôt bien. Il a une mâchoire très très carrée. C'est vrai que finalement, ça peut faire penser un peu à Oleg, sauf qu'Oleg, lui, est chauve, contrairement à cet homme. Quoi qu'il en soit, mis à part cette petite parenthèse, vous voyez qu'il se lève et fait des métropolites. Je peux vous aider ? Bien sûr. Nous sommes actuellement sur une enquête pour le ministère. Ouais. Et nous aimerions avoir des renseignements sur l'organisation de ce festival qui arrive, ouais, bientôt, vas-y, d'ailleurs. Oui ? Bah vas-y, dis. Eh bien, comment sera organisé ce festival pour le coup ? Quels sont les événements majeurs ? Comment avez-vous prévu de gérer tout cela ? On fait un peu comme chaque année. On a contacté un peu tout le monde ces dernières lunes. On installe des stands à chaque croisement et ça s'organise comme habituellement, quoi. Des petits salons. Là, en ce moment, on a eu en plus un petit contrat avec l'éventail. J'oublie toujours. L'éventail. Hein, c'est ça, hein. Ouais, c'est... L'éventail. Vous connaissez ? Mais oui. Ouais, voilà, ils ont un petit salon là-bas. On va essayer d'allier nos forces, voilà quoi, comme d'hab. Je sais pas de quoi vous avez besoin précisément. Vous auriez une liste des invités, on va dire, importants ? Une liste. Non. Vous savez, on sait avec qui on est en train de négocier. Après, si vous demandez, il y a ma très chère secrétaire qui a ça sur une vulgaire plaque de cire avant de le faire fondre assez rapidement. Je pense c'est au cas où il y a... Bah écoutez, avec plaisir. Mais après, pourquoi vous avez besoin de gens importants ? Tout simplement pour peut-être assurer leur sécurité. On n'est jamais sûr... Vous savez, on est déjà en train de travailler avec les gendarmes de la ville, on est avec le ministère de la guerre, évidemment. Si vous avez un problème avec la sécurité, il faut m'en parler. On s'intéresse en particulier au cas des personnalités importantes à l'échelle de toute la toile qui pourraient être présentes. Oui. C'est déjà un peu plus précis. C'est... Parce que là, pour le coup, il y a quand même moins de monde. Hein, parce que bon, faut avouer que le petit photographe, là, il n'intéresse pas non plus tout le monde. Est-ce qu'on a vraiment des gens si importants que ça ? Dans le domaine de la diplomatie, je dirais, en particulier, mais ça peut être autre chose. Oui, c'est ce que j'allais dire. On a effectivement les doges qui viennent passer un coucou. Il y a les hauts décisionnaires de la ville, mais à part ça, on n'a pas de célébrité sur toute la toile. Ah, peut-être un architecte. Peut-être. Qui sont-ils ? J'ai oublié son nom. Ma secrétaire, là, sur son... vous savez, là, il vient de Paris. Mais si, vous connaissez. Voilà. Votre secrétaire aura son nom, de toute façon. Oui, voilà. Voilà. C'est bien. Et sinon, c'est... en ce qui concerne le discours, il sera fait toujours par Le baron ? Bah par moi, oui. Oui, mais vous ne céderez pas la parole à quelqu'un d'autre ? Enfin, peut-être par courtoisie. Bah non, pourquoi ? On m'a élu baronnet pour que je tienne cette cérémonie. C'est vrai. Voilà. Ah, peut-être une fois votre discours fini, peut-être invité à parler à l'assemblée. Discours, hein. On a quelques petits amuseurs publics qui viennent faire un petit spectacle. Voilà, moi j'ai adoré. Franchement, des gars qui. Pouf. Il y en a un qui crache du feu. Ah, impressionnant. Impressionnant. J'aurais une question qui va peut-être vous sembler un peu farfelue. Mmh. Est-ce que vous connaissez, ou est-ce que peut-être que vous devez participer à ce festival à l'avenir, quelqu'un qui se dénommerait Photus, qui serait en lien avec le petit théâtre rouge, si ça vous dit quelque chose, un théâtre populaire de Basseville? Connais pas. Connais pas? Non. Parce qu'il ne participe pas, ou parce que c'est à des niveaux qui ne vous... Non, vous j'ai dit je connaissais pas, s'il vous plaît. Assistez pas. On va pas insister, on a bien compris que vous ne le connaissiez pas. Exactement, je le connais. Ouais, bien sûr. Mes amis, je pense que monsieur le baronnet nous a peut-être tout dit. Ça me semble être le cas. Qu'en pensez-vous? Oui. Eh bien, parfait. Si vous avez besoin, vous demandez le baronnet Clint. Je serai là. Le baronnet Clint, d'accord. Je serai m'en souvenir, merci très beaucoup. Très bien, baronnet. Et je vous souhaite une agréable journée et faites-nous un beau discours. Nous serons là à vous écouter. Comptez sur moi. En sortant de la pièce... Il avait pas l'air sûr. Je regarde... tout le monde et Kornilov, pour quelqu'un qui ne connaît pas Photus, il avait l'air bien tendu quand tu lui as évoqué ce nom. Oui, j'en ai bien. Je pense que ça n'aura échappé à personne. Je pense que va falloir un peu surveiller son entourage ou même lui, je pense. Allons voir sa secrétaire. On aura peut-être un peu plus d'informations. Si tu le penses, alors pourquoi pas. Il y a, je sais pas si je fais un roleplay ou pas ça, mais Clint, ça vous dit pas déjà quelque chose en termes de PNJ? Moi j'ai l'impression que ça me dit quelque chose. Personnellement, Clint. Non, non, beaucoup. En tout cas, beaucoup de manière, on a rencontré beaucoup de monde ces derniers temps, donc ça pourrait clairement m'échapper. J'ai pas trop les idées à ça en ce moment. Oui, ben on rejoint tous les dossiers de l'enquête. Maintenant que Sophia est partie. Clint. Ouais. C'est là que j'avoue. Pourquoi toi tu penses déjà avoir entendu parler de lui? J'ai l'impression d'avoir déjà entendu parler d'un Clint. C'est avec un K même. J'aurais l'impression que c'est avec un K, un Clint, que j'ai déjà vu. Eh bien, faudrait voir peut-être à l'éventail. J'ai l'impression que tout est un peu lié là-bas. Il se passe des choses là-bas. Et on y va en tant que qui à l'éventail? En tant que nous, enfin les autres nous. On est censé être parti, non? Non, c'est parti. C'est que Cassandra que ça va. Oui, c'est vrai. Mais nous pourrions y aller tout simplement pour dire que. On n'avait pas dit que Kornilov était. Que quoi? On n'avait pas dit que Kornilov. Kornilov quoi? Non, mais je pense que du coup j'ai dû me bourrer. Okay. Non mais Div, on a juste pas entendu en fait. Ah d'accord. On n'avait pas dit que Kornilov aussi était censé m'accompagner. Je crois pas dehors. Je crois qu'il y avait qu'une seule plaque qui a été faite. Oui, c'est vrai qu'il y en a qu'une seule qui a été faite, ça c'est sûr. Ouais. Non, mais du coup ça devait être parce que ouais. Je croyais en mode je sais plus quoi, il montrera comment ça marche sur les traverses, ou enfin, mais pour le coup, j'ai dû me courir. Donc, du coup, même d'ailleurs, du coup, tant mieux. Mais non, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à les creuser à l'éventail. De toute façon, il en a parlé. De après, si jamais moi j'y vais pas déguisé, est-ce qu'ils vont me reconnaître? Ouais, quoi que si je. Ils me reconnaîtraient peut-être pas. Mais non, si j'étais déguisé, ils me reconnaîtraient peut-être pas non déguisé dans la rue comme ça, mais si jamais je suis accompagné de vous, je pense qu'ils feraient quand même le rapprochement. Désolé, j'ai l'esprit un peu embrouillé. Mais c'est pas grave, je comprends. On se doute bien de pourquoi. Enfin, quoi qu'il en soit, allons voir sa secrétaire. Hein, on aura peut-être un moyen de la faire parler sur Photus. Qui sait? Du coup, elle est dans le coin. Enfin, c'est un bureau à côté, j'imagine. Ça doit pas être très loin. Ah. Oui, tout à fait. Pour le coup, bah, c'est sa secrétaire. Elle est pas loin. Et en fait, elles sont juste à l'étage d'en dessous. Et tout simplement, vous voyez, une jeune femme qui, du coup, va se présente à vous, enfin vous présentez à elle, mais qui du coup mm-hmm. est ouverte à la discussion. Je peux vous aider? Oui, bonjour, nous venons juste de voir le baronnet Clint. Nous sommes donc des métropolites nous sommes sur une enquête en ce moment par rapport à une affaire qui peut être peut se passer, enfin, pendant le festival, du coup, il nous envoie pour que vous nous donniez la liste des hauts dignitaires qui seront présents lors de l'événement. La liste. Oui, la liste, oui. Il nous a dit que vous l'auriez formellement sur une plaque de cire. Je suis désolé, mais on n'a pas eu de, enfin, on n'a pas de liste particulière. Enfin, dites-moi, je ferai au mieux, mais. Bah, simple, les hauts dignitaires qui seront présents à cet événement. Donc, quand je parle de hauts dignitaires, je parle de hauts dignitaires, bien sûr. Oh bien, dans ce cas, c'est pas très compliqué. Hein. Vous prenez actuellement chaque dirigeant de chacune des et de chacune des loges, et puis voilà, ça fait... Excusez-moi, je n'ai pas les bonnes manières. Oui, mais je suis des fois un peu désespéré. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. On sait ce que c'est, la hiérarchie, tout ça. On a la même chose, ne vous inquiétez pas. Comprenez que lorsqu'on me demande une liste, j'aimerais bien être au courant avant que des gens me la réclament. Je suis désolé, oubliez donc mes mauvaises manières, ce n'est pas digne d'un concerne. Donc, je peux vous faire ça. Honnêtement, après, niveau identité, même vous les connaissez. Il s'agit de chacun des dirigeants de loge. Il y a bien entendu pareil avec les dirigeants des ministères, hein, mais il y a. Un chef de guerre, il y a le métropolite, je connais pas très bien les... En même temps, si vous êtes métropolite, je pense que vous connaissez votre chef mieux que moi. Mmh. Mais voilà, il s'agit tout simplement de chacun des dirigeants, des grosses branches, donc les dirigeants de concert, les dirigeants de loge. Mmh. Après, je peux vous faire une liste si vous voulez, mais il faudra attendre un peu, parce qu'il y a quand même pas mal de loges et de concerts en ville, donc... ça me demanderait un peu de temps d'écrire chacun de leurs noms, mais vous pouvez juste partir sur le fait que chacun des dirigeants et chefs de loge, concerts, ministères sont actuellement conviés et ont d'ailleurs un emploi du temps spécial prévu à cet effet. D'accord. Et sinon, personne d'autre de l'extérieur d'autres cités? Non, c'est une journée vraiment exclusive à Venise. Alors, les gens ont droit de venir, mais ils ne sont pas conviés. Voilà. Donc, si jamais voilà, vous avez un dirigeant d'un quelconque autre empire, il est bien entendu le bienvenu, mais il n'est pas particulièrement convié. Mais pour l'instant, il n'y en a pas qui soit prévu. Comprenez qu'actuellement, toutes les personnalités importantes sont plutôt en train de préparer la... Tout simplement l'exposition universelle de 1132. Donc ils sont tous en train de partir sur Paris, ils sont tous en train de préparer, même d'ailleurs des dirigeants d'ici, hein, si vous cherchez, parce que normalement il devait être là, mais il est parti il y a quelques semaines de ça, le dirigeant du grand théâtre du Masque, malheureusement, est parti à Paris, donc voilà, ouais, pas beaucoup d'invités d'honneur étrangers cette année. Le théâtre du Masque ? Oui, vous savez, c'est le plus grand théâtre de la ville, qui se trouve au quartier du Masque. Et on nous a parlé d'un certain architecte parisien qui serait invité... Oui, tout à fait. Laissez-moi 2 secondes histoire de me remémorer. L'architecte parisien, quel est son nom? Oui, bien entendu. Je me souviens plus de son prénom, je suis désolé. Je me souviens de son nom de famille, Munoz. Munoz, ok. Vous vous souvenez de peut-être de son prénom cela vous dit rien? Je regarde les autres, mais si pour moi Munoz, vous pouvez répéter. Vous avez le droit de faire. Vous avez Munoz et vous pouvez faire, si vous le voulez, un jet de Urba Technology pour voir si vous avez la connaissance. C'est parti. Très bonne question. Urba Technology. Alors, j'ai fait un bon G. J'ai fait un 8. Hop là. Oui, n'hésitez pas à le dire par écrit dans le chat. 14. Urba Technology. J'ai fait un double 6 sur mes dés. Waouh. Oh, attendez. Hugo et Victor. Ouh là là. Oui, j'ai fait un double 5 sur mes G. C'est quand même vachement moins impressionnant qu'un double 6. Ouais, mais je fais Hugo, quand même aussi ton jet de Urba Technology, s'il te plaît. Enfin, si tu veux, après, tu peux aussi ne pas t'intéresser à la conversation, mais ça serait dommage. Je refuse mon test. Non! Je ne vais pas participer. Sinon, ils vont m'attraper plus rapidement. J'essaie de ne pas me rappeler du nom. C'est à l'envers. Ouais, je veux quand même un jet comme ça. Je lutte contre moi-même. Hugo, tu es là? Oui, 6. 6? Oula. Ah merde, attends, 2 secondes. Non, j'ai pas ouvert ma fiche. Si je me disais que j'avais oublié de faire un truc. Oui, il faut additionner la compétence. Donc 6. Ah, faut plus... d'avoir répété les règles. Ah. T'as les gens qui... Ah ouais? Ah bah 8. Ok. Malheureusement pour Kornilov et Hugo, non, le nom vous dit rien, Munoz. En même temps, c'est un nom assez commun dans cette partie-là, la Pentapolie. Vous savez que la Pentapolie est très divisée en termes de... Enfin, d'Antipolie, pardon, excusez-moi, Pentapolie, c'est pas du tout ça. Antipolie, qui est à Paris, Vienne, Prague, Canterbury, Entrelast, Itard, tout ça, si quelqu'un a la carte sous les yeux. Par contre, pour Esther et Victor, par culture générale, plus que par réelle connaissance sur la personne, vous vous souvenez d'un certain Daniel, avec 2 LE, par contre, c'est quand même un prénom masculin, Daniel Munoz. Qui était ? Qui est, du coup, un célèbre architecte contemporain qui notamment, travaille énormément à la reconstruction des villes, en gros, de faire en sorte qu'elles commencent à devenir logiques, parce qu'elles ont quand même, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, elles ont une structure très anarchique, parce que ça a été construit toujours sur on manque de place et on fait avec. Et lui, notamment, il travaille énormément à rendre ça maintenant plus c'est léger. C'est un mec ordonnant, tout ça. Exactement. Et notamment, Paris est pas mal connu pour ça, pour avoir des rues très droites, très carrées, etc. Donc c'est voilà, Daniel lui, C'est Daniel, hein, ça se dit Daniel. Avec 2 LE. Daniel. Voilà, avec 2 LE. D'ailleurs, je peux vous l'écrire. Hein. Du coup, je la regarde et je fais « Ah, Daniele ?» Enfin, Daniel, c'est ça ?« Daniele, Daniel. » Oui, voilà. Oui, voilà. Ouais. Oui. Je connais aussi. Ah. Ouais. Daniel, voilà, il était présent là sur Venise, il a dit qu'il participerait volontiers, donc nous l'avons parmi les invités, c'est vrai. D'accord. Sinon, il a parlé de Monsieur Monsieur Clint a parlé d'un autre, une autre personne. C'est quoi son nom aussi? Fautus. Fautus, voilà. Est-ce que cette personne-là sera présente ou pas? Fautus. Alors là, ça me dit rien. C'est un nom de quel? Je crois bien qu'il travaille dans un théâtre populaire, je crois, le petit théâtre rouge. Il me semble, oui. D'accord, un petit théâtre. Vous avez son nom de famille? Eh bien, il s'agit de Fautus Isan Bourras. Fautus, d'ailleurs. Fautus, excusez-nous. Fautus. Notez bien le I. Je note beaucoup le I dans ma mémoire. Eh bien, ce nom me dit quelque chose. Oui, je l'ai déjà rencontré il y a de ça quelques lunes de ça. Ça va faire malheureusement un petit moment que nous l'avons point vu. 4 lunes au moins, je crois, que nous l'avons pas vu. Il travaillait pour justement pour le théâtre du masque et il a disparu du jour au lendemain. Il est parti. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Il est invité. C'est ce qu'on a cru comprendre, il nous a parlé de lui, mais vous dites qu'il est déjà venu ici? Il s'est déjà rendu ici? Enfin, Non, pas encore. Je l'ai rencontré, parce que vous savez, j'aime beaucoup le théâtre, et comme c'était un jeune talent du théâtre du masque, il était considéré comme l'un des meilleurs comédiens de Venise. D'accord. Sa carrière. Voilà. Il est parti du jour. Non, moi, je ne sais pas. J'ai été très déçu de le voir déprogrammé. D'accord. Je vois. Avez-vous la pièce dans laquelle, justement, il jouait avant de se faire... ou plutôt de quitter, je ne sais pas si c'est lui, si il s'est fait renvoyer ou s'il vient de quitter. Mais avez-vous peut-être le metteur en scène aussi Bien. Alors, je me souviens plus de la pièce, mais je me souviens du metteur en scène. Il s'agissait du... il faut que cela me revienne, je suis désolé. Vous savez, il travaille souvent avec Roland Bonnet, c'est un Vénitien. Auguste Vacher. Oui. C'est cela. Ah oui, donc je me souviens. Auguste Vachet et Roland Bonnet sont les deux hommes qui... Roland Bonnet est écrivain, Auguste Vachet est metteur en scène, et les deux ont mis en place cette la pièce dans laquelle ils jouaient à l'époque. Mais je me souviens plus du nom de la pièce, par contre, je suis désolé. Ça veut dire Auguste Vachet et l'autre personne était Roland Bonnet. Roland Bonnet. D'accord. Oui. Un duo formidable, hein, qui font de grandes choses les metteurs en scène, théâtre, d'accord. Sachant qu'Auguste, on a déjà parlé. On a déjà parlé des deux. Et vous savez si justement ces deux personnes, que ce soit Auguste Vachet ou Roland Bonnet, seront présents parmi les invités? Je ne sais pas trop pour Roland Bonnet. Pour Auguste Vachet, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Gérant du théâtre du Masque, il est parti s'occuper de l'exposition universelle de 1132 à Paris. Donc, D'accord. Donc il n'est pas présent. Il est indisponible pendant un moment. Après, il y a sa secrétaire qui, je crois, est restée sur place pour gérer ses dernières affaires. peut-être vous aurez des chances, vous avez besoin de lui parler de manière urgente, mais... D'accord. Bien, merci beaucoup, en tout cas, c'est très aimable de votre part. Oh, vous savez, le concert n'est là pour... Je sais bien que mon supérieur n'est pas la personne la plus adroite avec les mots, mais sachez que tout le concerne est totalement à votre service. On vous en remercie. Eh bien, je ne sais pas pour vous, mes chers amis, si nous avons tout dit. Qu'en pensez-vous ? Je pense... de mon côté que cela est arrivé. Ok. Oui, que bah, du coup, elle vous laisse partir comme vous le souhaitez. Hein. Très bien. Vous sortez de là, parce que je suppose que à un moment, prendre l'air fait du bien. Mm-hmm. Sortir de cette petite tour. Et bah, je vais vous poser cette question très simple. Que souhaitez-vous faire maintenant? Vous pouvez très bien aussi prendre le temps hein, pour discuter de ce que vous avez entendu. Ça fait partie des trucs à faire. Moi, ma question est posée et je vous laisse y répondre comme vous voulez. Moi, je pense que c'est bien un peu de poser un peu tout ça ensemble, un peu faire le point. Pour marquer clairement, il y a quelque chose à gratter entre Fautus et Clint. Il cache des choses. C'est une certitude. Après, est-ce que c'est vraiment en lien avec notre affaire? Ça reste à voir. Question d'univers. Ce baronnet, donc Clint, oui. C'est le grand patron du concern? Non. Ou c'est juste quelqu'un dans la hiérarchie? Les baronnets, c'est l'étape 2 de la hiérarchie, quoi. Enfin, en partant du haut. C'est-à-dire que t'as le baron qui gère tout le concerne, et t'as les baronnets qui gèrent des branches spécifiques. Mmh. Ouais, donc si on kidnappe et qu'on tabasse, on va avoir des problèmes vu qu'il est haut dans la hiérarchie. Alors, effectivement, par contre, en tant que baron. Bah après, baronnet, c'est un vrai titre noble. Hein. Il a quand même été dans la noblesse, donc oui, il a quand même une certaine importance. Tu vois. Ouais. Par contre, il y a un truc que j'avais pas compris, c'était que d'ailleurs tout à l'heure Milo nous dit que le baron va faire un discours, mais au final c'est le baronnet qui fait le discours, c'est pas le baron. Mm-hmm. Parce qu'il y a un baron et un baronnet. Parce que, du coup, j'ai cru que j'avais. Peut-être que Milo était pas. Peut-être. Je m'y autorise, n'oubliez pas que ma conclusion de session dernière, la fameuse session où vous êtes fait engueuler, c'est que les paroles d'un PNJ n'est pas forcément la parole d'un MJ. Oui, mais c'était... Voilà. Je sais, mais c'était au début, après j'ai pensé que j'avais mal compris, et au final, non. Il y a compris. Bien un baron et un baronnet, c'est ça que je voulais... Oui, il y a un baron et un baronnet. Voilà, c'est ça, ok. Ouais. Effectivement... Oui, non, mais c'est juste pour être sûr. Distorsion. J'ai cru que j'avais pas bien compris. Donc c'est le baronnet. Il y a les autres pistes avec Auguste et tout ça, machin chose, mais je pense que là on a quelqu'un qui connaît de toute évidence notre victime, qui veut pas nous en parler. Donc je pense que c'est sur lui qu'il faut se concentrer. Ouais, je pense aussi, honnêtement, je pense aussi. Faut trouver un moyen de lui faire cracher ce qu'il a à cracher. Après, on peut sans peut-être. Trop aiguiller les soupçons, ouais. Enfin. Après, clairement, je pense que ce n'est pas il procedimento, hein, soyons clairs. Mais on peut toujours toucher. Enfin, le peut-être le faire un peu marcher avec le fait sur la mort de Fautus, qu'on aurait retrouvé des choses qui pourraient l'incriminer. Si s'il n'est pas capable de nous dire ce qui se passait entre lui et Fautus. Étant donné que nous sommes les métropolites, donc on a un poids quelque part, donc même si parce que à part lui, on a quoi comme chose? Pas grand chose. Mis à part lui, ben, on a l'architecte qui est une cible potentielle. Et on a Auguste Vacher et Roland Bonnet qui donc reviennent de même dans cette enquête, vu qu'on a entendu parler. 11. Mais Auguste est à 3 du masque. Mais Auguste Vachet, lui, est à Paris en ce moment. Yes, en effet. Voilà, donc. Ça... Puis donc, pour rappeler, pour ceux qui n'auraient pas noté ça, Auguste Vachet et Roland Bonnet sont des personnes qui sont connues pour être en froid, enfin avoir été en froid et notre Fautus. Oui, c'est ça. Et ils étaient dans le même théâtre avant et Fautus a dégagé parce que. Des accords, point de vue. Mais après, honnêtement, je pense que il y a moyen, vu que nous sommes en charge de l'affaire du meurtre de Fautus, et ça c'est de peut-être appuyer là-dessus par rapport au baronnet et lui dire que on a peut-être des choses qui ramènent le meurtre sur eux. Vers lui et que ça pourrait fuiter. Ouais, ça pourrait fuiter si jamais il nous dit pas qu'il vient parler, lui faire croire. Voilà. Mais genre qu'on vient là en toute discrétion, que ça, rien n'a été dit, mais que s'il veut pas que ça commence à sortir un peu partout, il vaut mieux qu'il parle maintenant. Il va nous demander de lui en avancer plus, je pense. Mais on peut très bien lui raconter ce qu'on veut, c'est nous qui sommes en charge de l'affaire. Donc on lui dit qu'on a retrouvé des indices, des choses ou des témoignages qui... Faudrait que ce soit crédible, non, peut-être. Enfin, de quoi? Je pense qu'il faut, vraiment que ça ait l'air crédible, non? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, du coup. Je sais pas si juste lui dire ça, ça suffirait. Non, mais il suffit de lui mettre la... T'sais, on a qu'à dire que ça lui... Si jamais il nous demande... Enfin, je veux dire, on peut lui dire tout simplement, ça vous regarde pas, c'est une enquête en cours, répondez à nos questions ou alors on vous fait monter dans la liste des suspects et ça va se finir par savoir. Voilà, c'est après, ces gens-là, c'est entre nous. Là, c'est peut-être un peu trop agressif là sur ce qu'on voit, la proposition Hugo. Non, ouais. Mais genre, ce que je veux dire, c'est genre, on arrive en mode bon. Écoutez, ce que vous avez dit là, comme quoi vous ne connaissiez pas Fautus, est très embarrassant pour nous. On sait que vous le connaissiez, et là, le fait que vous nous mentiez sciemment, ça vous rend que plus suspect. Alors, dites-nous tout ce que vous savez sur lui. Bien. On vous laisse tranquille. Voilà, et on vous laisse tranquille. Voilà. Ouais. Ou alors tout simplement tu dis ôtez-nous tout soupçon. Voilà. Oui, c'est ça. Aidez-nous à vous aider. Parce que si vous faites encore de la rétention d'informations, ce sera une enquête plus poussée sur vous. Et voilà, ce sera. C'est ça. Ouais, on peut la jouer comme ça. Il est quand même vachement haut hiérarchiquement, quoi, non? Oui. Est-ce qu'il a la puissance, entre guillemets, de pisser à l'arrêt et nous dire « allez vous faire foutre ». Après, c'est le concern de la photographie. Hein. Oui, c'est vrai que c'est. Alors, pas... Je sais qu'on est à Venise, mais... En même temps, on nous l'a fait savoir, il y a des cités où la photographie, ça, c'est que dalle. Donc, en gros, il n'y a que à Venise, ou peut-être une autre cité, où la photographie a une place en tant que maison importante. Alors qu'en soi, dans d'autres, c'est de la merde. Donc, il est important dans sa maison, il n'est peut-être pas important dans la cité. Oui. Après, tu vois, si on doit prendre... Et toute façon, je vous rappelle qu'on a été mandaté par les plus hautes autorités qui soient. Alors, certes, c'est quelqu'un de puissance. pas que de Venise, hein. Non, mais je prends le C majuscule de nulle part. Du coup, on a été nommé par les... Enfin, on est une cellule inter-empire, donc quand même, je pense que à partir du moment... Enfin, je veux dire, on est habilité à pouvoir fouiller même du côté des puissants, tu vois. Donc... Faire gaffe. Enfin, avec l'appui de notre hiérarchie en même temps, parce que si on y va tout seul, oui, bien sûr. Voilà. Là, on peut le faire parce que je pense qu'il y a une petite. Oui. Je peux même rappeler, puisque ça a été dit, donc je considère que les joueurs ont fait leur boulot, que en dehors même de votre cellule, le rôle des métropolites, c'est de gérer pas qu'ils sont supérieurs, mais en fait de gérer en fait la bonne cohésion d'une ville entre les loges, les concernes et les autres puissances en place, notamment les guides. Donc, quoi qu'il en soit, les métropolites sont toujours disposés à intervenir sur les loges et concernes. C'est juste, il faut savoir le faire. Ça, c'est ce qu'on vous a toujours appris. Savoir le faire sans se mettre à dos la loge, la concerne, etc. Mais en soi, vous êtes tout à fait dans vos droits d'intervenir. Voilà, franchement, si on fait une approche diplomate en disant, voilà, comme vous l'avez noté, que nous avons de sources sûres, nous savons que vous connaissez témoin anonyme, Fautus, vraiment, témoin. Que vous connaissez Fautus, et que votre réponse était, nous l'avons tous remarqué, était une réponse un peu tendue. Voilà. Voilà. Il serait plus judicieux pour vous de nous dire ce que vous savez sur lui. Quels sont les problèmes que vous avez eu avec ce Fautus, puisque nous sommes en charge d'une affaire où il a été tué. Et si vous commencez à nous cacher les choses, on pourrait décider de gratter un peu plus. Voilà, c'est tout. Du coup, ça le met pas à dos, il a le choix, il dit les choses et on n'est pas méchant, quoi. Vous êtes chaud. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut y aller. On retourne le voir direct, à dire comme ça. À l'arrache. Probable, mais si on veut rester dans l'idée qu'on lui fait une, on parle de manière discrète, il serait peut-être intéressant de l'attendre à la sortie. Ça me va. Écoute, du coup, je vite fait, je retourne voir la secrétaire en mode tranquille, tu vois. Oui, excusez-moi, juste, vous savez à quelle heure le baronnet quitte son bureau, généralement ? Quand il en a envie, ça peut être très bien dans 2 heures, que à la soirée, enfin à la tombée du soleil. Oh, il quitte jamais, par contre, après le début de soirée. Hein. D'accord. C'est la soirée, bien sûr. D'accord, ben, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une excellente journée. Avec tout de même. Merci. Du coup, écoutez, je pense qu'on va faire le piqué devant la porte. Allons-y. Alors que, du coup, vous allez attendre. Je vais passer le temps assez rapidement. Plus ouais, ça peut être à la sortie du bâtiment ancien, plus que juste devant sa porte. Oui. Bonjour. Oh, quel incroyable. Non, je vais en profiter du coup pour faire une petite chose. J'ai déjà jeté les dés, donc je vais demander à Victor mais de me parler de tes émotions, de tes sentiments, de ce que tu ressens, de ton émoi intérieur, tout ça. Dis-moi tout. Eh bien, je suis, malgré les apparences, même si j'essaye de cacher ça, intérieurement, je suis très, très tendu. Très stressé. Le fait que mon oncle ait trouvé cette cire fondue devant sa porte m'inquiète énormément. Et au vu de la facilité pour il procedimento d'atteindre nos proches et de limite visiter notre QG, malgré le fait que on fasse des systèmes machin, parce que même s'il n'est pas rentré, en gros, il a toujours des feintes pour arriver à ce qu'il veut. Du coup, je suis super stressé. Et à ça vient se rajouter notre grand chef. Qui vient nous menacer encore encore une fois sur nos familles. Du coup, je me sens écrasé en fait d'un côté comme de l'autre. Du coup, pour moi, cette enquête, elle est très importante. Donc, à la fois, j'essaie d'être détendu avec mes camarades. Mais quand il s'agit de questionner ou d'enquêter, mon sourire disparaît un petit peu et je suis un peu plus froid avec les gens avec qui je discute. Donc, merci beaucoup de t'être confié. Le temps est passé, l'après-midi, vous avez pu discuter un peu entre vous, continuer à parler, surtout de ce nom, Clint. Qui, je vais être honnête, dans le roleplay, ne vous parle pas tant que ça. Là, c'est un... Plus les joueurs qui ont parlé. C'est un peu particulier, donc dans l'univers, vous n'avez pas tant parlé que ça, parce que... Enfin, peut-être qu'au personnage, une petite intuition, mais... Ouais, effectivement... Rien qui semble parler de Clint tout de suite dans votre mémoire. Quoi qu'il en soit, le soir tombé, vous voyez effectivement du coup ce fameux Clint dans lequel qui a été le sujet de toute votre conversation sortir tout simplement dans une tenue quand même assez qu'il faut le souligner présomptueuse. C'est-à-dire, ouais, il y a vraiment une tenue remplie de plein de détails, plein de... Il a même une espèce de cape en fourrure. Enfin, voilà, c'est vraiment fait pour montrer qu'il est riche, qu'il a réussi, que c'est un baron. Voilà, c'est, même si c'est un baronnet. Voilà, c'est, il est dans la exubérante, quoi. Il le montre. Oui, mais même trop. C'est-à-dire que ça se voit qu'il est là pour le montrer, quoi. C'est vraiment, c'est même pas quelqu'un qui est juste dans le comportement. C'est... Et d'ailleurs... peut-être remarqué, mais il a quand même un comportement assez brut, donc peut-être qu'il compense par sa tenue. D'accord. je propose qu'on laisse juste un petit peu s'éloigner du concern et puis après on l'intercepte un petit peu plus loin. Vous l'interceptez, dites-moi ce que vous lui dites. Là, il est en train de marcher. Tranquillement. Comment vous... Bonsoir. Votre majesté. Bonsoir, monsieur le baronnet. Encore vous ? Qu'est-ce que... Ma femme me dit... Non. Oui, en fait, on aurait aimé revenir sur une petite chose que nous avons brièvement abordée avec vous tout à l'heure. Sur un certain Fotus. Je vois pas ce que je peux rajouter. Oui, nous sommes embarrassés, voyez-vous. Comment vous dire, vous êtes peut-être pas sans savoir que Fotius a été retrouvé mort il y a quelques mois. Pardon? Oui. Comment c'est arrivé? Eh bien. Nous ne pouvons pas, pour un moment, divulguer plus d'informations à vous, mais tout ce que nous savons, c'est que vous le connaissiez. Et... Je le connaissais pas. Ce n'est pas ce qu'il nous a semblé paraître tout à l'heure, et ce que nous en savons. Écoutez, je vous l'ai dit, je ne le connais pas, je ne sais pas ce que vous me voulez. Écoutez, on va jouer franc jeu avec vous. Nous sommes en charge de l'enquête sur son assassinat. Et nous avons des sources plutôt fiables qui nous ont fait part du fait que vous entreteniez des rapports avec cette personne. De plus, la façon dont vous comment dirais-je Vous parlez du fait de ne pas connaître cette personne nous laisse à penser que ses sources ont évidemment raison. Et donc, vous comprenez donc que ce que nous comprenons en ce moment même, c'est que vous faites de la rétention d'informations. Et cela est dommageable. Enfin, cela nous gêne énormément. Nous ne sommes absolument en aucun cas là pour vous arrêter pour un quelconque crime. Mais comprenez bien, si jamais vous ne nous aidez pas dans notre enquête, nous allons être forcés de nous intéresser plus à votre personne. Nous sommes francs jeu, nous vous le disons. Maintenant, si nous pouvions éviter une telle chose. Intéressez-vous à moi si vous le souhaitez. Je ne savais même pas qu'il était mort il y a quelques minutes de ça, je vous prie. Soyez raisonnable. Donc vous reconnaissez le. Ce que je reconnais, c'est de le connaître comme n'importe qui l'a connu dans la vie, c'est-à-dire en tant qu'acteur de théâtre. Je ne le connais ni plus ni moins. Je n'ai pas à le connaître, hein, donc je ne le connais pas. Alors pourquoi être aussi nerveux quand on évoque son nom ? C'est un nom qui n'a pas été évoqué depuis longtemps. Ah. Et dont je ne pensais pas réentendre parler depuis très longtemps. Enfin, longtemps. Et à quelle occasion vous avez entendu parler de ce nom ? Je vous l'ai dit, comme tout le monde, en tant qu'acteur de théâtre. Je suis désolé d'en arriver à ce point-là, mais avez-vous envie d'être pris en filature ? Ou que vos proches se retrouvent, je ne sais pas, à devoir faire face de contrôle de police intensif, je n'en sais rien, mais... Ah, j'ai eu peur. Ceci serait extrêmement contre-productif pour toute notre cellule. Nous avons besoin de ces informations, nous avons besoin de tout ce que vous pouvez nous dire sur lui. Plus que ça, si jamais vous continuez sur cette voie-là sur laquelle vous êtes parti, ça peut aller très loin. Et je peux vous assurer que personne ici n'a envie que cela arrive à ce point-là. Vous êtes un homme avec des responsabilités, vous avez des choses à faire qui sont importantes pour la cité et la vie de la cité en général. Nous ne souhaitions en aucun cas perturber toutes ces choses-là. S'il vous plaît, soyez coopératif. Dites-nous tout ce que vous savez sur lui. Écoutez, je crois que vous n'avez pas conscience de vous dire. Vous pourrez faire ce que vous souhaitez. Cela ne change rien à la réalité des choses. Je vous dis la vérité. Je ne l'ai connu qu'en tant qu'acteur. Et je ne l'avais pas entendu depuis... qu'il est parti. Alors, si vous voulez en savoir plus, posez la question aux bonnes personnes. Moi, je n'ai aucune information. Donc voilà, je ne sais guère quoi vous dire de plus. Si... Je veux dire, je connais ce que je dois connaître. Je ne connais pas ce que je dois ne pas connaître. Maintenant, si vous avez un problème avec la chose, eh bien, soit, posez des questions. Vous avez conscience que ce que vous faites actuellement met en danger toute la cité de Venise, et peut-être même bien d'autres cités dans toute la... Je vous prie. Je n'y suis pour rien. Je pense que vous trompez de cible. Si vous voulez parler de personnes qui retiennent les informations, parlez donc à vos supérieurs. Comment cela ? Ouais. C'est quand même le but du ministère de la Propagande, de savoir ce qui se dit ou ce qui ne se dit pas. Je vous ai dit, moi je dois savoir ce que je dois savoir. Qu'est-ce que nous faisons là en ce moment même ? Eh bien, vous interrogez une personne qui respecte... votre supérieur et qui sait ce qu'il doit savoir et ce qu'il ne sait pas, ce qu'il ne doit pas savoir. Suis-je clair ? c'est clair. Merci. Non. Faites ce que vous avez à faire, mais ne soyez pas stupide. Personne n'y a rien, qui tourne les talons et il s'en va. Il n'y a pas moyen de voir si il nous mentait ou pas. Enfin, un jet d'empathie. Un jet, voilà, de... En tant que grand comédien, est-ce que j'ai décelé chez lui quelconque trace de comédie? Il n'y a pas vraiment de jet réellement pour ça. Parce que vous savez qu'écrit mais très simplifié au niveau des compétences. Et que bien souvent, poser la question suffit à avoir des idées. Et donc, vous jaugez un peu. Il était clairement agacé de la situation. Mais de manière très naturelle. Vous sentez que c'est un agacement naturel, même pour ceux qui sont un peu habitués à repérer le surjeu, notamment. Puisqu'on sait que les vraies émotions passent par des détails qui ont la tendance à exagérer quand on veut donner l'impression de la vivre réellement, et ce qui du coup sonne faux. Là, c'était pas le cas. Il était vraiment agacé et est-ce qu'il vous a menti ? Bon, c'est un peu dur de répondre juste oui ou non, mais vous sentez quand même que voilà, ces dires étaient celles d'un homme agacé qui semblait parler clairement avec son agacement. Pas parler derrière une mesquinerie cachée. Je vous souhaite, si vous voulez, soit échanger, soit me dire ce que vous voulez faire. On laisse cette piste semble se terminer au même endroit que nos pistes précédentes, c'est-à-dire en cul-de-sac. Le silence de notre direction, en particulier Monsieur Landini, a priori. Je ne sais pas de quelle manière on pourrait l'approfondir ou s'il faut passer à une autre. Il va être quelle heure là, à peu près ? Là, le soir est tombé, donc vous êtes aux alentours de... Alors, on est en hiver, hein. Ouais, donc il est tôt, aux alentours de 18-19. Eh bien, soit je propose dans ce cas que nous nous rendions au théâtre. Du masque ? Oui. Oui, j'imagine que c'est pour Bonnet, c'est ça ? Tu veux aller voir Bonnet ? C'est exact. Oui, j'imagine que c'est intéressant. Après tout, même à notre premier tour des connaissances de Photius, nous, on n'avait pas pris le temps d'aller les voir. Je ne pourrais peut-être pas venir avec vous, mais on peut se retrouver au QG indiqué pour faire un compte-rendu, ça vous va ? Ah oui, mais pourquoi ça ? Il y a une piste que j'aimerais approfondir. C'est pas lié à l'enquête. Quelle est-il ? Je vous en dirai plus demain si ça donne quelque chose. Eh bien, soit. Dommage pour toi. Grand moment de culture, sans j'imagine. Et... Oh non, l'occasion de le refaire, t'en fais pas. On est parti remise. Bien. Dans ce cas-là, on va scinder le groupe en deux. Un groupe de trois, un groupe de un. Et je vais commencer. Je pense par Esther. Je pense que ça sera le plus rapide. Oui, Esther, du coup, dis-moi ton programme. Déjà, je profite d'être mise. Ah, du groupe. Excuse-moi. Oui. Je vais poser une question. Est-ce que tu veux que ce soit privé comme, En vrai, par logique, ça devrait, mais c'est pas du tout indispensable, je pense. Bon, alors, je vais poser la question, est-ce que tu préfères être en intimité ou pas ? Moi, ça me dérange pas, non, enfin... Ok, comme ça, c'est vraiment qu'une question d'intimité, pas forcément de quelle information, mais est-ce que tu préfères être... D'accord, oui, non, sinon, pas du tout. Ok, dans ce cas-là, on va faire comme ça. Eh bien, dans ce cas-là, je t'écoute. Alors, du coup, premièrement, bon, c'est un peu du détail, mais... Je profite de me retrouver en fait seul pour la première fois lorsque je vois les autres partir dans leur direction et moi attendre un petit peu le temps de trouver la mienne. J'en profite pour sans doute me rapprocher au premier bar venu et faire un peu le point du coup sur ce qui va se passer. Même si bon, je m'y attendais un petit peu, mais ça fait du bien quand même de se retrouver un moment seul. Mm-hmm. Quoi. Puis aussi, ensuite, je me décide à... J'espère qu'il est pas allé, si possible. J'ai pas entendu, excuse-moi. Ah. Possible, me rendre s'il n'est pas trop tard, voir Elig. Oui, tout à fait. J'avais déjà contacté, j'ai pas encore fait. Tout à fait. Et j'aimerais lui parler de ce qui s'est passé la dernière fois. Mm-hmm. Puisqu'en plus, je ne tiens pas dans mon. Que l'on avait en face de nous. C'est pour ça que je te propose. Enfin, que je me dis que par logique, peut-être qu'on devrait le faire en privé. Après, personnellement, je m'en fous complètement, même au contraire, ça. C'est... Alors, le plus gros. Enfin, le plus gros était déjà en privé, je pense que le reste peut être partagé. Eh bien, tu arrives à la trouver. Ok, cool. Elle est où? Elle est chez chance. Elle ou... Alors, elle est au bâtiment institutionnel du ministère ouais. de la Propagande. Elle semble en fait faire des, entre guillemets, des heures sup et à travailler, même une fois la nuit tombée. Ouais, je la reconnais bien là. Tu la retrouves assez facilement dans son bureau, comme je l'ai dit, ce minuscule bureau qu'on lui a donné. Ah, Esther. Bonjour, oui. Installe-toi. Je vous avais dit que je repasserais. Vous avez un moment? Oui, j'irai juste une affaire. Et tu vois que quand... Prenez votre temps, oui. Quand tu... quand elle dit ça, tu vois qu'elle... tu sais, d'un geste juste de main, elle récupère pas mal de cire, et notamment une plaque sur laquelle elle est en train d'écrire des choses, et elle le met dans l'étage inférieur de son gros bureau de fer. Très bien. Dis-moi. La dernière fois, lors de la discussion que nous avons eue, tu étais clairement troublé. La discussion avec Alceo et Kenyo Landini, c'est ça? Oui. Ouais. Tu semblais... comment dire, pas très ouverte à l'idée d'en parler dès maintenant, mais tu penses qu'on en discute un peu plus tard, et j'aimerais savoir si ce moment est bon selon toi. Désolé, je sais pas trop comment aborder le sujet, mais les choses avaient l'air vraiment étranges, et j'ai vu qu'il t'avait blessé. Ça me touche, vu que tu viennes de demander. Je sais pas en fait si y a un bon moment, je suis désolé, mais disons qu'à l'heure actuelle, vous raconter ça nous mettrait autant vous que moi dans une confidence qui pourrait nous apporter des problèmes. Rassurez-vous, je n'ai pas l'intention du tout de vous cacher quoi que ce soit. Enfin, on a vécu assez de choses ensemble durant votre formation pour savoir que. Je me souviens toujours de votre petit détour au milieu d'un bar pas très bien fréquenté, mais ce que je veux dire, c'est que Alceo est dans la confidence, et à nous deux, on gère la situation. Dès que ce poids sera retiré, dès que je pourrai vous en parler, croyez-moi, je le ferai. D'accord. C'est quelque chose qui dépasse le simple sentiment. Vous comprendrez le jour où je pourrais vous en parler, mais... Très bien. Je suis désolé, je veux pas avoir l'air paranoïaque, mais en ce moment, j'ai tendance à penser à ça tout le temps, mais... Cette histoire a un lien avec l'affaire en cours. Tout a un lien avec l'affaire en cours... Si le ministère à l'extérieur a l'air de minimiser la situation pour donner l'impression qu'elle la gère, à l'intérieur, c'est une panique totale. Malheureusement, la réponse est oui, ça. C'est un rapport. Alors, on nous demande régler cette histoire, mais en parallèle, le ministère, comment dire, enfin, je sais pas, c'est... Le ministère a beaucoup de choses à gérer. Il y a une partie du ministère que je pense sincère dans sa démarche. Vous comprenez que annoncer qu'il y a un tueur en série, c'est peut-être un peu plus effrayant que d'admettre quelques légendes urbaines qui s'ébruitent si et là dans quelques quartiers. Les gens parlent soit d'un pirate, soit d'une machine tueuse, mais ça fait des discussions, mais l'aspect mythologique de la chose les rend plus facile à vivre. Alors que si demain le ministère avoue publiquement qu'elle est en chasse de ce tueur, les gens sauront qu'ils sont pas en sécurité. Je comprends la démarche de vouloir minimiser à l'extérieur, mais on sait tous que certaines informations sont gardées que par certains métropolites et que je pense que cette partie-là a beaucoup à jouer avec l'affaire en cours. Mais c'est contre-productif, vous ne pensez pas ? Vous savez, j'ai un grade très bas là-dedans. Mes pensées n'intéressent que moi-même, mais j'ai malheureusement, tout comme vous, pas assez d'éléments pour juger de manière honnête la chose. J'espère ne m'être pas trompé en travaillant pour le ministère. Mais j'ai eu très peu le choix, finalement. Mais enfin, je travaille quand même pour eux, donc... Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, évitez quand même de tenir ce genre de propos à d'autres gens qu'à moi. Oui, j'étais désolé, c'est juste que... Non, j'ai l'impression qu'on nous demande de résoudre une affaire sécurité. Sans nous cachant des éléments sans doute cruciaux à sa résolution. C'est malheureusement un peu le cas, mais croyez-moi que si j'étais au courant, je ferais ce qu'il faut pour que vous soyez vous aussi au courant, mais c'est des informations qui sont retenues à des postes de métropolite qu'on ne peut même pas imaginer atteindre dans notre vie, donc il faut malheureusement alors, qu'est-ce faire... Qu'on fait selon vous, avec. D'accord. Mais sachez que, encore une fois, Zoé et moi, on est là pour vous soutenir et on vous aide autant qu'on peut. Peut-être que ça puisse pas paraître, mais se battre contre une institution. Et encore, les métropolites à Venise ont un pouvoir. Limité. Imaginez moi travailler pour la Pentapolie ou l'Antipolie. Je ne souhaite pas me battre contre les métropolites, au contraire, je souhaite travailler main dans la main avec eux, c'est ça. Je suis d'accord, la même chose, hein. Après tout, une fois qu'on travaille pour, ça serait bête d'être contre, mais c'est ainsi. Ils ont des choses qu'ils ne veulent pas dire, et nous, faut qu'on fasse avec. Alors on fait avec. Je suis désolé, j'aimerais vraiment vous apporter une réponse plus encourageante. Et quand aurons-nous plus d'informations là-dessus ? Je veux dire, des choses se passent en arrière-plan tandis qu'on nous menaçant ouvertement. Je trouve ça relativement déloyal et j'aurais peur que l'on ne boucle pas. Je craindrais que l'on ne puisse boucler en raison de ces informations que l'on nous cache ouvertement. Je comprends. Vous comprenez que... Oui, visiblement, cette affaire pèse gros pour les métropolites, pour le ministère de la Propagande, y compris pour ceux qui ont accès à plus d'informations que d'autres. Et si ils vous ont parlé ainsi, c'est qu'ils attendent de vous une réaction, qui est celle de vous mettre à 100% sur cette affaire. Bien sûr. J'aimerais sincèrement qu'ils vous donnent ce que eux savent, mais s'ils veulent pas en parler, c'est sûrement qu'il y a une raison. D'accord. Assez grande pour ça. Vous n'avez, j'imagine, rien d'autre à nous communiquer pour... J'aimerais. J'aimerais sincèrement. Très bien. Alors, je vais y aller. Et au moment où je m'apprête à passer la porte, je me retourne doucement, je fais... Oh, une dernière chose. Une idée me... m'a traversé la tête. Je sais pas trop quoi en penser, mais... Dites. Se pourrait-il que... Comment dire ? Se pourrait-il que le... J'essaie de m'assurer, est-ce que j'entends pas du bruit dans les couloirs aux alentours ou autre ? Non, c'est plutôt calme. Heureusement, vous venir la voir après la tombée de la nuit, ça fait que la plupart des gens sont déjà partis. Se pourrait-il que le rat soit à l'intérieur de nos murs ? À vrai dire, je ne pense pas, mais c'est une possibilité un peu possible. Mais vu les forces utilisées par les métropolites et vu leur capacité à pouvoir se mettre la pression mutuellement, je pense que vous l'avez vécu assez par vous-même, je pense que si le problème serait interne, il aurait été réglé sûrement plus rapidement. Maintenant, je vous gardez-le en tête, sait-on jamais. Je me demandais justement, peut-être à juste titre, si justement, si dans le cas où le problème soit un fut interne, s'il ne l'utilisait, enfin, s'il n'utilisait pas du coup cette manière d'être pour s'en défendre. Cet état de fait, donc, pour couvrir ses arrières. C'est possible. C'est une piste intéressante. Mais malheureusement, elle est relativement périlleuse. Oui. C'est assez difficile d'enquêter sur d'autres métropolites si ce n'est pas demandé par le ministère directement. Mais, je vous dis, gardez-le en tête, sait-on jamais. Et si jamais nous venions à réaliser que ce soit le cas, quelle devrait être la marche à suivre ? Vous en parlez, j'imagine ? Oui, et même si cela ne me conviendrait pas, mais parler aussi à Kenyu, ça serait sûrement, si vous avez vraiment les preuves suffisantes, ça va. Bien sûr. Je suppose que, bah, premièrement, il vous aura à la bonne et il avancera les choses beaucoup plus rapidement que c'est vous vrai. Seul. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit là que d'une simple théorie, je n'ai aucun... Tout à fait. Comment dire ? Je n'ai que très peu d'éléments pour conduire à cette dernière, mis à part quelques suspicions et que cela résoudrait pas mal de problèmes liés à cette affaire. Mais c'est peut-être simplement la solution de facilité, ça ne veut pas dire que c'est la bonne. Je vous remercie et... Bon courage pour la suite. Et là-dessus, je m'en vais. Courage à vous. Est-ce que tu avais un dernier truc à faire rapidement ? Non, mais je tenais à préciser, au cas où on n'ait pas le temps de le faire aujourd'hui, que j'ai l'intention du coup de mettre au courant les autres, sans doute des deux mains, de ce que je sais par rapport à ça, même si du coup c'est pas grand-chose. Ok. Oui, puis comme ils ont tous assisté à ça, au moins l'avantage. Oui, c'est ça. Parce que si on joue pas, ils sont quand même au courant. Repassons à nos autres amis. Kornilov, Victor et Hugo. Vous dirigez, comme prévu, au grand théâtre du Masque. Le fameux plus grand théâtre de Venise, hein, dans le quartier réservé au théâtre. Enfin, c'est un prestige énorme, au point que même à 2-3 rues de là, vous sentez que l'ambiance change. Les bâtisses sont toutes énormément, avec énormément d'ornements. Il y a énormément de petits détails luxueux qui s'ajoutent aux rues jusqu'à arriver à cette énorme place qui donne sur ce théâtre, hein, sur lequel même le soir des fois des lumières sont allumées pour vraiment vous sentez vraiment voilà. On n'est pas sur un petit bâtiment de pacotille, hein, et vous vous demandez même s'il n'y a pas plus d'argent qui est dépensé là-dedans que dans le bâtiment institutionnel des métropolites. La réponse est sûrement oui d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, vous rentrez dedans et je vous laisse me dire en gros. Déjà, si vous voulez discuter un peu avant du plan, vous pouvez, mais sinon, je vous laisse me dire ce que vous faites. Messieurs, je propose d'aller directement aux coulisses. On te suit, c'est toi le spécialiste du théâtre, de toute manière. Vous dirigez vers les coulisses. Les coulisses. Et en fait, vous êtes arrêté mi-chemin par un petit homme qui. Excusez-moi, mais messieurs, vous, ce n'est pas par là les salles publiques. Où allez-vous ? Eh bien, nous travaillons pour le ministère de la Propagande. Nous souhaiterions avoir accès aux coulisses. Et si vous pouviez nous indiquer dès maintenant la loge de monsieur. Enfin, de. Ah non, monsieur uniquement, j'allais vous dire une personne, mais elle n'est pas présente, nous le savons. Si vous pouviez nous indiquer la loge de monsieur Roland Bonnet, vous seriez bien aimable. Soit, je vais vous emmener. Au bureau qu'il partage. Veuillez me suivre, c'est de l'autre côté. Je vous remercie. Vous voyez, c'est déplacé. Jusqu'à, tout simplement, un bureau, encore une fois, effectivement. Une loge-bureau, en fait, un peu entre les deux. Hein. Il y a toujours ce côté très luxueux qui fait que même... une petite salle est forcément remplie d'ornements, de détails, des miroirs, des lumières. Enfin, c'est assez paniquant. Et en ce sens, vous trouvez un homme qui est en train de composer, d'écrire à son bureau. Et tout simplement, vous. Le petit homme vous présente. Et vous voyez, du coup, Roland Bonnet, un homme. Avec un visage en fait assez androgyne, une chevelure blonde, mi-longue, avec des mèches qui passent devant les yeux, et qui du coup lève la tête et. Oui, puis-je vous aider ? Vous pouvez disposer, je parle bien sûr au petit. Le petit homme part. Ouais. Oui, bien le bonjour, monsieur Bonnet, enchanté de faire votre connaissance. Je me prénomme Hugo Klebensk et je suis, à titre personnel, un grand admirateur de votre œuvre. Nous travaillons pour le ministère de la Propagande et nous aurions quelques questions. Eh bien, avec plaisir. Nous sommes désolés de vous déranger durant votre travail, mais... Je ne suis jamais dérangé par une présence aussi réconfortante que de bel homme comme vous. Dites-moi tout. Voilà. Vous nous flattez. Malheureusement, le sujet de notre visite n'est pas très gai, si je puis dire. Nous enquêtons actuellement sur la mort de l'acteur dénommé Photius. Photius... Isamboras. Oui, oui. Je connaissais ce jeune homme. Très charmant, très charmant. Oui, il en va de soi. Sa perte nous affecte tous. Nous avons ouï dire que vous aviez connu cet homme, mais pourriez-nous vous en dire plus ? Nous avons appris que peut-être avant qu'il ne quitte le théâtre du masque, vos relations étaient peut-être un peu tendues. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ? Oh, si vous parlez de cette affaire, sachez qu'elle avait été réglée il y a bien longtemps. C'est vrai que je lui en ai voulu, à Photius. Je ne vais pas mentir. Mais voilà, il est venu s'excuser en personne. Un homme si charmant et si talentueux, bien que je sois attristé de son départ, bon, bah, voilà, on a passé un marché, j'ai cédé, et simplement, chaque lune, il me remboursait les biens qu'il m'avait volés. Mais, par conséquent, contrairement à la rumeur, nous sommes quittés très bon terme. On s'est volé. Je vois. Pouvez-vous nous en dire plus, du coup, sur la nature de cette dispute ? Un vol de recueil, de texte, script ? Ah, de pur matériel. Vous savez, le théâtre, le petit théâtre est un théâtre Malheureusement sans le sou, et lorsque Photius est parti, lorsqu'il nous a abandonnés pour le petit théâtre, il est parti avec quelques objets servant à jouer de la musique, éclairer, ce genre de choses. Et c'est un matériel que j'avais personnellement acheté avec mon ami Vachet. Et bon, je dois vous avouer qu'au début, je l'ai très mal pris, mais comme je vous l'ai raconté à l'instant, il est venu s'excuser et nous avons trouvé accord commun. En avez-vous gardé une quelconque trace, une plaque, un enregistrement sonore, ou bien avez-vous juste réglé cela à l'amiable? Non, à l'amiable. C'était entre deux hommes en pleine intimité, sans les oui-dire de la ville extérieure. Et c'était, vous savez, un grand interprète, et mes textes sonnaient merveilleusement bien à travers ses cordes vocales, donc je n'ai pu lui en vouloir longtemps. Qu'en est-il de ses relations donc avec votre autre illustre collègue, si je puis me permettre, Monsieur Bonnet, Monsieur Vachet, excusez-moi. Oui, bon, Monsieur Vachet est un homme respectable et tout aussi élégant que sa persona ose le dire. C'est un homme avec lequel j'ai commencé à travailler lorsque je suis venu à Venise pour la première fois. Vous savez que je ne suis pas originaire d'ici, et il a su rapidement trouver les mots justes pour collaborer. Mes textes étant particulièrement appréciés lorsque les conteurs publics les racontent dans des cafés et autres lieux de la haute ville, nous avons rapidement trouvé accord commun et aujourd'hui je travaille principalement pour le théâtre. De même que Monsieur Vachet, vous êtes originaire d'Antipolis, si je ne me trompe pas. Je suis originaire d'Antipolis, Monsieur Vachet de Pentapolis. Ah, excusez-moi, c'est donc un de mes compatriotes. Oui, il est né à Éole, vous savez. Éole? Ah, je suis né sur la traverse, personnellement, mais... Non, je vois. Ah. Vous avez très bien grandi, malgré tout, sachez-le. Je vous remercie. Mais pour en revenir, donc, à cette affaire, si j'aurais peut-être une liste de noms à vous soumettre, et j'aurais besoin que vous me disiez si vous... Simplement, juste connaissance de n'importe lequel des noms que je vais vous dire. Vous êtes d'accord ? Je peux essayer de m'en souvenir. Je vous remercie. Tout d'abord, le nom de Nicholas Horton. Non, ça ne me dit rien. Je ne crois pas avoir entendu. Ricardo, veuillez m'excuser, Ferreira. Ricardo Ferreira. C'est un très joli nom, mais il me sonne pas particulièrement familier. Oui, je ne suis point parti. Non, donc vous n'avez pas connaissance Non. Ah, d'accord. Malheureusement, non. Ricardo Ferreira. Et qu'en est-il de Peggy Frost? Peggy Frost? Oui. Oh, un nom bien glorieux, mais quoique Peggy, ce n'est pas très glorieux. Mais... Bon, non, je ne crois pas en avoir entendu parler. Ce sont des personnalités connues. Pas vraiment, mais je ne peux pas trop vous en dire. Heureusement, vous comprenez. Je comprends. Continuez. Et qu'en est-il de Bailey Robert? Bailey Robert, je ne sais pas si je le connais. Bailey Robert. Encore du Gloria, décidément, vous semblez avoir un petit flair. Ça me ferait presque regretter de ne pas venir de Gloriana. Non, je ne crois pas que je connais. Teana Fotinellis. Ah. Comme quoi, de temps en temps, vous changez, cela me rassure bien un peu. Teana Fotinellis, me dites-vous. J'ai oui, dire peut-être son nom une fois. Cette sonorité, je la connais. Elle était présente à une représentation, quelque chose du genre, non? Ah, je ne puis vous dire, malheureusement, je ne suis. C'est justement pour essayer d'établir un contact entre Fotus et elle que. Enfin, et toutes ces personnes que je vous demande si vous pouvez me dire n'importe quoi sur ces personnes. Je suis surpris de cette situation. Ça me dit quelque chose. J'ai dû la rencontrer peut-être à une soirée gala, quelque chose comme ça. Je pense l'avoir vue à Venise, cette personne, contrairement aux autres qui ne me parle pas. Oui, en tout cas, le dénominateur commun de toutes ces personnes est qu'elles, comment dire, gravitent autour de Venise. Oh. Eh bien, je suis presque déçu de ne pas avoir rencontré autant de monde. Et enfin, pour terminer, qu'en est-il de Abby Creed? Votre passion pour le Gloriana m'intéresse fortement, mais Creed est un nom très commun au Gloriana. Si un jour vous y rendez, j'ai eu à faire quelques petits textes là-bas, sachez que c'est le nom le plus porté au Gloriana. Du coup, ça, j'ai plein de personnes qui me viennent en tête lorsque vous prononcez ce nom. Quel était son prénom, vous dites? Abby. Orthographié de la manière qui suit A2BY. Oh, j'adore quand vous parlez lettres. Abby. Ai-je connu une Abby? Oh, j'ai connu une Abby, mais elle ne s'appelait pas Creed. Non, je ne crois pas connaître cette personne. Peut-être. Bon, je ne pense pas que cela donnera plus de succès, mais qu'en est-il de la famille Pini? Cela vous dit quelque chose? Peut-être Mariazia Pini et Eduardo Pini. Est-ce que cela vous dit. Cela vous évoque quelque chose? Non, je ne connais pas ces noms. Des Vénitiens, vu leur nom, mais. Effectivement. Je ne les ai guère rencontrés. Eh bien, personnellement, je pense en avoir fini avec vous. Mes très chers collègues, avez-vous quelque chose d'autre à rajouter? Je vous laisse prendre la suite. Et je vous remercie de votre coopération, monsieur. Eh bien, n'ayez pas peur. Vous auriez prévu, par le plus grand des hasards, de vous rendre au festival du concert de la photographie? Oh oui, bien entendu. J'adore m'y rendre, d'autant plus que on peut entendre dans certains quartiers pas mal des histoires écrites de ma propre main. Donc, c'est un peu égocentrique, je vous l'admets, mais j'adore ça. Je comprends, il faut toujours se tenir au courant et jusqu'où vont nos créations. tout à fait. Et vous avez prévu de vous y rendre seul ou vous serez accompagné? Oh, je serai effectivement accompagné. Mais par la présence d'une dame, ce qui ne m'intéresse pas, si telle était votre question. Pas particulièrement. Je me permets de rajouter, qu'en est-il de votre compagnon Auguste Bachet? Sera-t-il de retour pour le festival? Oh non, enfin, non votre... il est bien trop occupé malheureusement. Il est parti sur Paris. Oui, on nous a dit qu'il s'occupait de l'exposition universelle là-bas. Exactement. Vous pouvez confirmer ce dire? Très bien. Oh oui, tout à fait. Même sa secrétaire aussi, c'est avec elle que je pars. Enfin, que je vais aller me confronter un peu au monde... pendant la fête. Pourriez-vous nous donner l'adresse ou plutôt un endroit où nous pourrions retrouver cette secrétaire? Oh bien sûr, elle traîne de toute façon dans le théâtre pendant bien des moments. Vous savez, elle s'occupe de finir toutes les petites histoires qu'Auguste a laissées en cours. Vous trouverez Nila actuellement dans le hall d'accueil. Elle est en train de gérer quelques affaires. Son prénom est Nila, donc? Oui, Nila. Très bien. N-I-L-A, comme vous me l'avez si bien épelé. Très bien. Eh bien, Victor, Kornilov, d'autres choses? J'avoue que tu as déjà pas mal cité de noms. À tout oui. Hasard, vous ne connaîtriez pas une Danielle Munoz? Pardon, redites-moi. Un Daniel Munoz, l'architecte. L'architecte, Daniel Munoz, oui, tout à fait, c'est le Parisien, c'est celui qui c'est ça. De... Ouais. Oui. Je ne le connais pas personnellement. Au revoir. Au revoir. Oui, excusez mes collègues. Ils sont un peu intimidés, j'imagine, de se retrouver face à un artiste d'une telle envergure. Merci, je vous remercie beaucoup de votre collaboration et je me permets de vous demander quelle sera votre prochaine pièce? Ah, ma prochaine pièce, malheureusement, ne m'est pas encore connue. Là, je travaillais sur un texte pour conter ça aux enfants. J'attends une collaboration prochaine. Dites-moi une dernière question. À tout hasard, hein, je pose ça. Je sais que ces derniers temps, des petits plaisantins sévissent. D'ailleurs, il en va de que certains de ma famille ont eu la même chose. Mais n'auriez-vous pas eu à tout hasard si quelqu'un aurait reçu cette petite blague qui court en ce moment de mettre de la cire brûlée devant votre porte? De la cire brûlée? Enfin, fondue. Fondue, non, je n'ai pas eu de petite plaisanterie de la sorte. Et personne dans votre entourage n'a eu ce genre de choses? Ou des gens que vous connaissez? Je ne sais pas où dire. Vous n'avez rien perçu d'étrange? N'importe quoi dans votre vie. Des choses étranges, j'en vois tous les jours, mais je ne pense pas que ça vous intéresse. Ce n'est rien de bien, ce n'est que mon quotidien. Des acteurs, des personnes. Les gens sont surprenants. Eh bien, ce sera tout. Encore une fois, nous vous remercions. Je suis impatient de revoir, de revoir une de vos anciennes pièces. Si jamais vous venez à passer à travers, Je me répète, je m'appelle Hugo Klibenst, je suis moi-même auteur, dramaturge, si jamais... Je n'ai pas encore fait jouer mes textes, mais si j'en ai l'occasion, ce serait un honneur pour moi de vous compter parmi le public, monsieur. J'en serais ravi. Merci encore, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne représentation si vous travaillez ce soir et... Nous vous quittons. Merci de votre collaboration. Merci à vous. Et vous le quittez sur ces mots. Cet homme semblait beaucoup aimé. Oui. Je dis ça une fois qu'on est un peu éloigné, bien sûr. Que pensez-vous juste devant Que pensez-vous de son histoire de réconciliation avec Photius? Ça me semble coller au personnage qu'il nous a présenté en tout cas. Ouais. Je sais sans doute que vous devez un peu être las de retourner au petit théâtre rouge, mais je pense qu'il serait peut-être intéressant de retourner encore une fois pour confirmer les dires de notre homme pour interroger comment dire les membres de sa troupe à ce sujet-là. Toujours est-il que nous devons maintenant, je sais qu'il doit commencer à se faire tard, mais je propose de voir la secrétaire de Monsieur Vachier avant comment dire avant de quitter le théâtre, même si j'avoue que je serais bien resté encore quelques heures, mais bon. Je pense que nous n'avons pas tout ce temps-là devant. Ok. Du coup. Mais allons-y alors. Ouais, on va pouvoir terminer sur cette conversation. Vous allez du coup à la rencontre de cette fameuse Nila. Je vous laisse prendre le début de la conversation, si vous voulez. Hé, mon petit, s'il vous plaît. Mon petit. C'est pour Nila, du coup? Oui. Ok. Tu vois que elle arrive vers toi, un peu surprise de ta façon de t'exprimer. Oui, je peux vous aider? Oui, Hugo Klibenst du ministère de la Propagande nous a dit que vous étiez la secrétaire de monsieur. Cela est exact? Oh, bien sûr. Je travaille pour lui, sans cette seconde même. Que nous vaut votre visite? Nous aurions quelques questions à vous poser. Je suis tout oui. Nous enquêtons en ce moment même. Sur Monsieur Photius. Monsieur Photius Isamboras, avez-vous connaissance de cette personne? Vaguement. Je l'ai croisé une fois ou deux ici, mais pas plus que ça, non? Vous avez déjà... Enfin, à part, donc... vous avez déjà entretenu des discussions avec lui? Bien, c'est réel. Non. Je crois me souvenir que c'était un acteur, je crois. Mais... C'est exact. Oui, non, Auguste était directement en contact avec lui, je n'avais pas de raison particulière d'intervenir. Pouvez-vous nous en dire plus justement sur la relation entre Monsieur Vacher et... Oh, pour être honnête, ça a été des hauts et des bas. Il l'a vu, Monsieur Vacher a vu en lui une certaine muse, un idéal, et puis il y a eu des complications, des disputes. Il y a eu cette histoire un peu étrange. Vous savez, du jour au lendemain, Photius a disparu. Enfin, il est parti comme ça, du jour au lendemain. Enfin, soi-disant pour une dispute avec Monsieur Vachet, mais entre nous, des disputes, il s'en passait tous les deux jours et jamais un acteur partait du théâtre pour autant. Ça nous a semblé très soudain, très étrange. Je n'ai pas vraiment compris ce qui s'était passé. Quand vous dites cela nous a semblé, vous parliez de vous et monsieur Vacher ? Non, je n'ai pas le ressenti, je n'ai jamais osé lui poser directement la question. Non, je parle de moi et d'autres métiers dans l'ombre de ce théâtre. Monsieur Fautus avait-il ses habitudes, enfin ici auprès de quelconque personne, justement, pas de premier ordre, puis-je dire, tous les techniciens de l'ombre qui s'occupent des décors, des costumes, que sais-je. Oh, il y avait une femme qui est partie, elle aussi. Elle a suivi Fautus lorsqu'il a décidé de reprendre le petit théâtre. Oui, il s'agit de madame... Je n'ai malheureusement plus son nom. Une jeune femme à chevelure noire, tombante. Je sais qu'elle avait comme hobby, si on peut appeler ça un hobby, aussi étrange que cela puisse paraître, de faire cours à de jeunes enfants des quartiers pauvres. Ça me dit quelque chose, ça. Oui. Elle travaille pour le théâtre rouge, non ? Oui, c'est ça. C'est cela. Il me semble me souvenir que nous l'avions interrogée. Ah, ouais. Vous l'avez déjà rencontrée. C'était une femme qui n'avait pas un poste important ici, mais elle avait été recrutée en même temps que notre amie malheureusement disparue. C'est ça ? Une Maria ou... Oui. Je ne connais guère son prénom. Nous avons plutôt tendance à nous appeler par des noms de famille ici. Toujours est-il que j'aurais peut-être Zinati. J'aurais peut-être une certaine liste de noms. À vous faire entendre et vous. J'aimerais que vous me disiez. Si vous connaissiez tel ou tel nom, dire telle soit, personne. Je veux bien. Je vais lui dire tous les noms de. Effectivement tous les noms. Malheureusement, les premiers noms ont toujours cette même réaction de jamais être entendu. Cependant, elle a elle aussi un souvenir d'une certaine Teana Fautinellis, qui aurait passé quand même quelques soirées bien confortables en tant qu'invité d'honneur au théâtre. Ouais. Et du coup, je vais dire, je pense que tout à l'heure vous faisiez référence à probablement à Maria Azinati. Ah, Madame Azinati, maintenant que vous le dites, oui. Une femme très discrète, stressée, je m'entendais pas très bien avec elle. Oui. Avez-vous besoin d'autres informations, mes chers ? Eh bien, je pense que ce le sera tout. Kornilov. Est-ce que vous vous souvenez si cette fameuse Teana, ainsi de suite, était ici en tant qu'invité ou Fautus travaillait ici ? Si les dates coïncident. Fautus est parti il y a 4 lunes de ça. Il a rejoint le théâtre il y a 4 teintes. 4 teintes, nous sommes en Verde 1131, si je m'abuse, donc 1130. Oui, il était effectivement acteur ici lors de sa visite. Merci. Donc ils se sont connus. Connu est un bien grand mot, mais ils se sont effectivement croisés. Croisés, oui. Okay. Avez-vous d'autres objections ou puis-je retourner à ma vacation ? Je pense que... Pour ma part, vous pouvez bouger. Vous pouvez bouger. Parce que... Je pense que vous allez pouvoir retourner à votre vacation. Merci bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je travaille ici tous les jours de la semaine. Bien, merci. Bonne fin de journée. Ouais. Merci. Bonne nuit à vous aussi. Au revoir.